Les fleurs de nos alpages et mon coucou savoyard font bien partie du répertoire de Bernard Marly. Quand il joue Qu'elle est belle, ma Savoie, et qu'il se balade au bord du lac, il sait de quoi il parle, le bougre. On continue avec la chanson d'Apremont, Les traîneaux de Genève, et on fera chauffer les marrons, c'est évident. Thank you. Connaissez-vous la montée aux alpages, la génération vigneron et la plagne? Eh bien, écoutez! Restons à l'écoute de votre radio locale, la seule à vous accompagner avec vos souvenirs. Sorgia FM. Blanche Musette, c'est sur Surja FM, bien sûr. Mes fougères, les jets et la prière du Savoyard, c'est la suite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entends cette musique, ça me rappelle de bons souvenirs. Pas vous? Thank you. incontournable, le maillon sous le pommier, la tome des Bauges et le rigaudon du petit ramoneur pour terminer ce voyage dans nos Savoies avec Bernard Marly. Thank you. Vous êtes toujours là? Ah, tant mieux, parce que si vous ne l'étiez pas, nous ne serions pas grand-chose sans vous. Merci de votre fidélité. Pour aujourd'hui, le musette, c'est fini. Place maintenant à la chanson française. C'est vrai, je suis trop libre et je n'entends pas la raison. Je marche sur un jus de quille, mais je veux bien être captive de qui fait des quatre saisons un monde qui chante et qui brille, qui chante et brille. Voilà, Nicoletta vient d'interpréter Ma vie, c'est un manège. Les Crazy Horse continuent avec Quand l'amour, et puis DJ Barbelivien nous rappelle que tant qu'il y aura des chansons. Fier océan, je l'ai. silence passera au travers et nous aura réunis. Quand l'amour nous aura tout donné de sa plus grande émotion, quand nos corps seront bien fatigués. Ces chansons qui parlaient d'une plage au soleil, quelques mots en anglais, est-ce que tu t'en rappelles? Elle nous accompagnait le temps d'un disque d'or. Bien des années après, je m'en souviens encore. Qu'il y aura des chansons, je chanterai pour toi. Mon amour, ma passion, je mettrai dans ma voix des trésors d'émotions pour te dire ces mots-là. Tant qu'il y aura des chansons, tu seras dans mes bras pour danser tout au long de la nuit qui viendra. Sur un lit de violon, je chanterai pour toi. Elles nous ont fait rêver ces magiques mélodies, le temps d'un bel été, quelquefois pour la vie. Et j'en ai dessiné couleur mélancolie de ces amours passés que jamais on oublie. Tant qu'il y aura des chansons, je chanterai pour toi. Mon amour, ma passion, je mettrai dans ma voix des trésors d'émotions pour te dire ces mots-là. Tant qu'il y aura des chansons, tu seras dans mes bras pour danser tout au long de la nuit qui viendra. Sur un lit de violon, je chanterai pour toi. Rien n'est jamais fini, pour toujours à jamais. Après les jours de pluie, revient le mois de mai. Tant qu'il y aura des chansons, je chanterai pour toi. Mon amour, ma passion, je mettrai dans ma voix des trésors d'émotions pour te dire ces mots-là. Tant qu'il y aura des chansons, voilà, Nicoletta vient d'interpréter « Ma vie, c'est un manège ». Les Crazy Horse continuent avec « Quand l'amour » et puis DJ Barbelivien nous rappelle que « Tant qu'il y aura des chansons ». Être fou, comme être fort et braver tous les interdits au risque de blesser à mort l'image de l'homme que je suis. Naviguer juste à la frontière entre désespoir et folie, me crever les yeux de lumière quand elle revient, quand elle sourit, vendre mes amis et mon âme sans avoir envie de lutter et ne plus en avoir de larmes, à perdre toute dignité. Amour, je peux faire ça. Amour, je peux faire ça. Le meilleur moins que le pire, me sublimer, me détruire, ne plus plier à sa loi. En amour, j'ai tous les droits. Renoncer même à la gloire, être lâche autant qu'elle est belle, à en tuer dans ma mémoire les autres pour n'y laisser qu'elle. Accorder aucune importance à ce que pense la société et me ruiner comme je danse sur les tabous, les préjugés. Perdre toute notion des choses, à n'en plus avoir de fierté, partir pour elle à pas les roses et mettre le monde à ses pieds. Par amour, je peux faire ça. Et par amour, je peux faire ça. Être l'ange ou bien le diable, magnifique ou pitoyable, le héros. J'ai tous les droits. L'accent du pays où tu es né demeure dans le cœur comme dans le langage. L'accent du pays où tu es né demeure dans le cœur comme dans le langage. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter sa lande ou encore sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur grouillant s'enfuit, l'accent, mais c'est un peu le pays qui nous suit. C'est un peu cet accent, invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. L'accent du pays tu es né. Demeure dans le cœur comme dans le langage, l'accent du pays où tu es né. Demeure dans le cœur comme dans le langage. Si pour les malheureux à l'exil obligé, le patois qui t'éteint sur des mots étrangers, et avoir de l'accent, c'est chaque fois qu'on cause. Parler de son pays en parlant d'autre chose. Il ne faut pas rougir de son si bel accent. Je veux qu'il soit sonore, clair et retentissant, et s'en aller tout droit, tu meurs toujours pareil, en portant son accent sur le coin de l'oreille. L'accent du pays où tu es né demeure dans le cœur comme dans le langage. L'accent du pays où je suis né demeure dans mon cœur comme dans mon langage. Il est né sur une terre où fleurit l'oranger. Il est né sur une terre où pousse l'olivier. Par le bleu de la mer, par l'éclat du soleil, la grappe de raisin accrochée à la treille. C'est l'odeur du jasmin, de la rose à la foire, du safran, du piment et l'un, je ne sais quoi. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter mon pays avec vous. L'accent du pays où je suis né demeure dans mon cœur comme dans mon langage. L'accent du pays où je suis né demeure dans mon cœur comme dans mon langage. Ce jour

comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. C'est dur de briser le silence, même dans les cris, même dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête. Et personne ne peut comprendre, on a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. Tant que tu sois là, pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude, de te savoir si loin de moi. Je voudrais tant que tu sois là, pour te dire mon espérance, et le prix que je paie d'avance, pour t'avoir un jour tout à moi. Dans mon désert, y a pas de fleurs, pas d'oasis et pas de vent. Et si tu venais plus souvent, ça ferait du bien à mon cœur, mon pauvre cœur. Je voudrais tant que tu sois là pour réveiller mes fleurs éteintes, ton absence comme une plainte. Viens toujours me parler de toi. Je voudrais tant que tu sois là, à l'heure où les nuages passent. Tu élargirais mon espace, rien qu'à te blottir contre moi. Dans mon désert, y a pas de fleurs, pas d'oasis et pas de vent. Et si tu venais plus souvent, comprendrai pourquoi j'ai peur, parce que j'ai peur. Je voudrais tant que tu sois là pour mettre du rouge à mes roses, et pour que servent à quelque chose ces mots que je pleure à mi-voix. Je voudrais tant que tu sois là pour partager la chambre close où mon avenir se repose en attendant que tu sois là. Et dans cet univers borné où tout est vide et décevant, je pourrais me sentir vivant près de toi pour qui je suis né. Toi qui ne m'aimes pas assez. Il a abandonné la chanson pour se consacrer à la scène. Il s'appelle Michel Sardou et il nous interprète Nuit de satin. Pour autant qu'ils m'en souviennent, c'était une nuit de satin. Je tenais sa main dans la mienne. Et puis le silence et plus rien. Aussi souvent que j'y revienne, je ne reconnais plus le chemin. Ce sentiment que dans mes veines coule un autre sang que le mien. C'est fou comme hier, c'est facile. C'est bien plus proche que demain. Un peu comme la mer porte une île. J'emporte une étoile qui s'éteint. Dans cette nuit sans fin, où tout le ciel s'éteint, s'éteint. Il reste une étincelle qui m'attire auprès d'elle et plus rien. Pourquoi cet homme me demande-t-il? Le jour qu'on est, c'est inutile. Je sais qu'il sait que je n'en sais rien. Ce sont les absents qui reviennent. Moi-même j'en suis 30 ans de moins. Pour un instant ils me retiennent. Et puis je retourne d'où je viens. C'est fou comme hier, c'est facile. Et tellement plus clair qu'aujourd'hui. Un peu comme la mer porte une île. J'emporte une étoile qui faiblit. Dans cette nuit sans fin, où tout le ciel s'éteint, s'éteint. Il reste une étincelle qui m'attire auprès d'elle et plus rien. Pourquoi cette femme me demande-t-elle si j'aime encore être auprès d'elle? Je sais qu'elle sait que je n'en sais rien, je n'en sais rien. Dans cette nuit sans fin, où tout le ciel s'éteint, s'éteint. Il reste une étincelle qui m'attire auprès d'elle et plus rien. Dans cette nuit sans ciel où la nuit va si loin, si loin. Il reste une étincelle qui m'emporte avec elle et plus rien. Pour autant qu'ils m'en souviennent, mais je ne me souviens plus de rien. Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un panier de retour. Le chat de la voisine qui se met plein les papines de poulet de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat. Je ne dessinerai pas l'homme et son agonie, l'enfant des premiers pas qui gèle dans son lit. Je ne parlerai pas du soldat qui a peur d'échanger une jambe contre une croix d'honneur, du vieillard rejeté aux poubelles de la faim. Je n'en parlerai pas, mieux vaut ce petit refrain. Le chat de la voisine qui mange de bonne cuisine et fait ses gros concons sur un bel litre don. Le chat de la voisine qui se met plein les papines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat. Je ne serai pas l'empêcheur de déjeuner en rond, allonger la sueur qui brûle sur les fronts. Je ne parlerai pas de l'ouvrier qui pleure la perte de ses doigts morts au champ du labeur, de la jeune fille fanée avant d'avoir aimé. Je n'en parlerai pas, il vaut mieux glorifier le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un bel litre don. Le chat qui se met plein les papines de poulet de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat, et vive le chat, et vive le chat, et vive le chat, et vive le chat. Et un souvenir avec Retiens la nuit avec Sylvie Vartan. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse. En croyant au bonheur, la peur entre en mes joies. Oh, oh, retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, je t'en supplie à l'infini. retiens la nuit. Est-ce que les romantiques ont disparu? C'est ce que nous dit Serge Fouchet. Main dans la main avec Christophe et Rachel, le chant de Mallory. Je veux t'aimer en te disant chaque jour tous ces mots qui n'ont plus cours et que l'on dit démodés. Je veux t'aimer comme on doit t'aimer vraiment, comme s'aiment les amants, que m'importe si à présent les romantiques ont disparu, les bleuets ne poussent plus qu'aux endroits les plus perdus de notre terre. Les romantiques ont disparu, même si je suis le dernier, laisse-moi encore t'aimer à leur manière. Je veux t'aimer en oubliant qu'à présent on fait l'amour simplement pour tuer le temps. Je veux t'aimer sans rougir d'être amoureux, sans avoir peur d'être heureux, rien qu'en regardant tes yeux. Les romantiques ont disparu, les bleuets ne poussent plus aux endroits les plus perdus de notre terre. Les romantiques ont disparu, même si je suis le dernier, laisse-moi encore t'aimer à leur manière. Je veux t'aimer et retrouver avec toi les mots d'amour d'autrefois, en sachant qu'il faut y croire. Je veux t'aimer, te dire je t'aime à genoux, et ce qu'on dira de nous, je ne veux pas le savoir. Les romantiques ont disparu, les bleuets ne poussent plus qu'aux endroits les plus perdus de notre terre. Les romantiques ont disparu, même si je suis le dernier, laisse-moi encore t'aimer à leur manière. Les romantiques ont disparu, les bleuets ne poussent plus qu'aux endroits les plus perdus de notre terre. Les romantiques ont disparu, même si je suis le dernier, laisse-moi encore t'aimer à leur manière. Les romantiques ont disparu, les bleuets ne poussent plus qu'aux endroits les plus perdus de notre terre. Je t'aimerai toujours, mon presque premier amour. Ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous deux les amoureux, nous serons si bien main dans la main. Nous serons tous deux comme des amoureux, nous serons si bien main dans la main. Quand et comment le dire, ce grand amour qui